franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, baise-moi. Il est saisissant de pouvoir dire « baise-moi » tout à fait tranquillement sur une antenne nationale. Je ne fais que reprendre évidemment le titre du livre et du film de Virginie Despentes dont nous allons vous raconter l'histoire tumultueuse. En 1994, Virginie Despentes publie ce premier roman au titre pour le moins accrocheur. Le public découvre alors cette jeune romancière au style hard et singulier. Les thèmes du livre, ultra-violence et sexe sans détour, cru, diront certains. En tout cas, une écrivaine est née. Au rythme des interviews, les Français apprennent à connaître cette jeune femme, très vite cataloguée de rebelle et punk, porte-voix d'une génération qui ne veut pas s'en laisser compter par le politiquement correct, qui devient un principe, dans le courant des années 90, comme une sorte de retour à un ordre moral qui ne veut pas dire son nom et qui aujourd'hui pourtant impose sa loi, plus ou moins. Quelques années après, en 2000, Virginie Despentes décide de réaliser elle-même l'adaptation cinématographique de son premier roman. La caméra supplée le verbe, mais la radicalité reste la même. Scène de sexe non simulé, assassinat sommaire et flot d'hémoglobine, les images en choquent plus d'un. Le film est classé X et interdit de projection. Ce scandale soulève, sur la place publique, la question du cinéma pornographique et celle de la censure à un point tel que la justice est saisie et la loi modifiée. Alors, que montre et que dit ce film? Pourquoi le roman a-t-il pu être publié et le film, lui, interdit? Que nous dit cette affaire des rapports entre l'art et la représentation du sexe et de la mort? Sur ces questions, nous reviendrons en seconde partie d'émission avec Sylvain Bourmeau, journaliste et producteur à France Culture, spécialiste de littérature française contemporaine. Il est notre invité. Nous serons aussi en duplex téléphonique avec Catherine Breillat, réalisatrice, et qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire de ce film. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attachée de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Stéphanie Fromentin, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Antoine Fortin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. On est dans un pays où la création est mise en valeur, c'est un pays où l'expression est libre. Et même moi, je me souviens d'avoir vu tous les films les plus transgressifs des années 70 à la télé sous Giscard, à 20h30, juste avec un petit carré blanc. La France, non, mais il y avait pas, je répète, il n'y avait pas d'éjaculation, il n'y avait pas de scène de pénétration, il n'y avait pas ces scènes explicites qui étaient réservées au film X, dans des salles... Une bite, c'est une bite, on en a tous les hommes, on en a une. Il n'y a pas de problème à montrer. C'est comme une main, c'est comme un visage. Il y a rien de honteux. Alors qu'est-ce que ça va changer cette année? Dans les parcs, ouais. On a des statues avec des mecs qui ont une bite par en érection. C'est pas, je sais pas pourquoi on continue à s'affoler dès que quelqu'un baisse son froc. C'était il y a quelques semaines. Le réalisateur français Gaspard Noé, que vous venez d'entendre, faisait le tour des plateaux de télévision et des radios pour défendre son film Love, frappé d'une interdiction au moins de 18 ans. L'œuvre raconte une histoire d'amour dans laquelle les scènes de sexe sont particulièrement explicites. Pénis en érection, éjaculation, scènes érotiques. Après avoir défrayé la chronique au Festival de Cannes, le film est sorti dans les salles françaises avec un visa d'exploitation qui l'interdisait initialement au moins de 16 ans. Mais après une plainte déposée par l'association Promouvoir, incarnée par son président André Bonnet, le tribunal administratif de Paris ordonne l'interdiction du film au moins de 18 ans. La polémique surgit encore une fois. Le débat sur les relations troubles entre la pornographie et le 7e art s'invite sur la place publique. Encore une fois, on pointe du doigt une loi jugée archaïque. Cette loi, c'est la loi sur le classement X, qui date de 1975. Au début des années 70, avec l'élection du nouveau président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, on observe un certain assouplissement dans la censure cinématographique. Une vague de films porno et érotiques envahit les salles de cinéma françaises. Sur 520 films distribués en 1974, 128 s'affichent comme tels. C'est le temps d'Emmanuel, la niaiserie esthétique, support de la libération du sexe à l'écran. En réponse, le gouvernement Chirac décide la mise en place d'une loi qui privilégie la taxation, c'est-à-dire la sanction économique, plutôt que la censure. Une interdiction maximum au moins de 16 ans est mise en place. C'est, disons, la limite acceptable pour que le film soit distribué en salle. Au-dessus, c'est le classement X. Pour les films jugés trop violents ou pornographiques, ils sont interdits de distribution. Au beau milieu du mois d'août dernier, la polémique est donc relancée avec Love de Gaspard Noé. Mais quels sont ces fameux critères pornographiques ou violents ou fixer la frontière? À partir de quand peut-on parler de censure, d'atteinte à la liberté d'expression? Ces questions sont soulevées par l'intervention d'André Bonnet de son association Promouvoir, proche des milieux d'extrême droite, grand défenseur de l'ordre moral et des valeurs chrétiennes. Pour de nombreux observateurs, cette nouvelle polémique lancée par Monsieur Bonnet n'est pas une surprise. C'est déjà par lui, 15 ans plus tôt, que le scandale était né. Et c'était pour un autre film, Baise-moi, et pour une autre artiste, Virginie Despentes. Moi, je fais pas des choses juste pour provoquer. Après, si ça doit... J'ai quand même une culture punk, et donc j'ai quand même une culture où c'est bien d'être haï par les cons. Été 92, Nancy. Une jeune femme de 23 ans revient au domicile parental après quelques années de vagabondage. Un été de RMiste, dit-elle. Un été où l'ennui succède à l'ennui, où la solitude guette et le manque d'argent ronge. Un été où il ne reste plus qu'à dire, à assembler ses bouts éparses des cris accumulés à droite à gauche depuis une dizaine d'années. Sur l'ordinateur de son père, dans la pénombre de la nuit, à l'abri des regards indiscrets, Virginie Despentes s'attelle à l'écriture de son premier roman. Quelques années auparavant, à 17 ans, elle avait quitté Nancy, plaqué le lycée, direction Lyon. Cheveux roses et vêtements déchirés, elle erre pendant 3 mois sans parler à personne. Le jour, elle enchaîne les petits boulots, femme de ménage, prostituée sur le Minitel ou dans des pipes chauds, caissière chez Auchan, vendeuse chez un disquaire, chroniqueuse pour les fanzines. La nuit, elle dort dans le foyer d'un quartier difficile. Elle lit Dostoïevski, Bukowski, James Ellroy, découvre les films d'Abel Ferrara, de William Friedkin, de John Woo, écoute Nirvana. De cette période, elle dit « Je n'avais aucune idée de ce que je pourrais faire d'autre, que rien du tout. » Bon, ça ne me traumatisait pas trop, c'était comme ça. Du coup, elle se forme dans la rue. Au gré des rencontres et des aventures, elle suit les Béréries Noires en tournée, le groupe punk rock phare des années 80. Elle chante, elle aussi, dans un groupe de rap, puis dans un autre de rock. Une vie de punk, en marge et contre tout. Alcool, drogue, fête, violence, c'est sa période hardcore, comme elle dit. Cette expérience destroy, c'est son bagage, celui avec lequel elle tape en quelques semaines. Baise-moi. Il fait sombre en plein jour dans ce bar. Le long de l'interminable comptoir s'échoue une horde d'habitués hétéroclites. Kaléidoscope d'histoire. Lumières artificielles, brouhaha de conversations en chassés croisés. Les gens glissent les uns vers les autres, s'associent pour un verre, cèdent à tuer le temps jusqu'à ce qu'ils soient assez défoncés pour supporter de rentrer chez eux. Nadine est encore en plein brouillard de raid. Peut-on être lassant d'amoralité ? Sur 200 pages, coup de poing, Baise-moi raconte l'histoire de Manu et Nadine, deux jeunes femmes paumées mais fortes, héroïnes des bas-fonds. Dans les premiers chapitres, on fait connaissance avec les deux filles. Elles habitent une banlieue morose, l'une se prostitue, l'autre tourne dans des films pornographiques. Un chapitre pour Nadine, un chapitre pour Manu. Et puis un jour, chacune commet un meurtre dans un mélange de pulsion et de révolte. Nadine étrangle sa colocataire, Manu flingue son ami, péché originel, geste libérateur. Les deux femmes se rencontrent et entament un road movie sanglant et sexuel. Elles tuent à tout va, sans aucune raison, pour le plaisir de tuer. Des hommes, des femmes et même un enfant. Elles font l'amour au hasard des rencontres, elles boivent, se droguent. L'orgie s'achève dans une boîte échangiste, lieu d'un dernier massacre. Finalement, Manu est tué au cours du braquage d'une station-service. Quant à Nadine, elle est arrêtée par la police. Seule fin possible pour cette Thelma et Louise française à la sauce Despentes. Le style Despentes, justement, s'affiche d'emblée comme une claque. Entre oralité brutale et réalité crue, c'est la chronique d'une époque trash et inégalitaire qu'elle définit. La beauté, par exemple, comme un concept bourgeois. Place au grunge, au punk, au sordide, sans foi ni loi, Nadine et Manu sont deux filles de leur temps. Sauf que, face aux violences subies, elles passent à l'offensive, elles entrent en guerre, avec plaisir. Ce mec est vraiment ma victime préférée. Sa vie enterrée dans des bouquins, ça croule sous les disques et les cassettes vidéo. C'est sordide. Ça aime les auteurs déjantés, les artistes maudits et les putes dégénérées. Ça apprécie la décadence classée par ordre alphabétique. Bon spectateur, en bonne santé. Ça sait apprécier le génie chez les autres, de loin, quoi. Avec modération, surtout. Pas d'insomnie, bonne conscience en toutes occasions. C'est moral ce qu'on a fait chez lui. Ces deux filles, ce sont les doubles de Virginie Despentes, les héritières de ces années lyonnaises. Voilà, Baise-moi est écrit, reste à le publier. Virginie Despentes va entrer en littérature comme elle a vécu jusqu'à maintenant, par effraction. Paris 1993, Florent Massot tient dans sa main un manuscrit. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre, tant il est vrai que le titre est à pas l'œil. À prendre comme une invective ou un impératif. Baise-moi. Le trentenaire est à la tête d'une petite maison d'édition qu'il conçoit comme un label musical. Alors il cherche à publier des livres avec un autre son, celui de sa génération. Des contre-cultures qui émergent et qu'il côtoie, le hip-hop, le grunge ou l'univers des fanzines, tout ce qui porte et incarne ses motivations sont là. Alors il édite des ouvrages sur le graffiti, le hip-hop, l'underground. C'est un ami journaliste rock qui vient de lui remettre ce manuscrit. Baise-moi a essuyé 7 refus des maisons d'édition. Florent Massot se plonge dans le roman, le lit d'une traite, et là, c'est le choc. Il aide Virginie Despentes à mieux structurer son récit et organise la publication. Et autant jouer la carte trash à fond. En couverture, un dessin représente la scène la plus dérangeante du livre, celle de l'infanticide. La tête explosée d'un jeune garçon qui tient la main de sa mère. Le titre s'affiche en majuscules blanches sur fond noir. Détail important, Florent Massot ajoute une vignette typique de celle que l'on retrouve sur les albums rap américains de l'époque. Parental Advisory, Explicit Content, avis aux parents, texte explicite. Édité à quelques milliers d'exemplaires, le livre commence à se diffuser dans les réseaux alternatifs via les fanzines, les squats, les cafés. Le bouche à oreille fonctionne. Les premiers lecteurs se retrouvent dans la violence, la colère, le sexe qui émane de ce texte. Florent Massot l'envoie à quelques journalistes comme Patrick Hudlin, Dandy et Critique Rock, dont les chroniques sont lues avec attention. Et tout s'enchaîne. Thierry Ardisson en parle. Puis le roman atterrit sur le bureau de Laurent Chalumeau, journaliste et auteur pour Canal+. Depuis les années 80, la chaîne payante a construit sa réputation sur l'impertinence et la prise de risque. Elle est même la première à diffuser des films pornographiques. Virginie Despentes est donc invitée sur le plateau de l'émission phare Nulle part ailleurs en décembre 1995. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Après l'émission, les ventes explosent. Virginie Despentes enchaîne les plateaux de télévision. Pour elle, c'est le grand saut. Comme ici, interviewé par le journaliste Jean-François Lixon sur France 2. C'est vrai qu'il y a beaucoup de violence, beaucoup de sexe? Un peu, ouais. Un peu, non? Beaucoup? Quand même, ouais. Il n'y a que ça? Il y a beaucoup de violence et de sexe, c'est vrai. Vous l'avez écrit pour la violence, pour le sexe, pour les personnages, pour l'histoire? Je sais pas, je l'ai écrit comme ça. J'ai pas réfléchi avant, en fait. Il est venu comme ça, quoi. Les personnages, beaucoup, quand même. Pour Nadine et Manu, qui sont les deux personnages principaux du bouquin. Ouais, parce que je les aimais bien, quoi. Ah, vous aimez bien des gens qui sont complètement amoraux, des filles qui n'ont plus rien de ce qui fait la civilisation d'aujourd'hui. Qui sont complètement en décalage, ouais, complètement à côté. Vous avez une écriture très rapide, aussi rapide que l'action? Ouais, enfin, ouais. C'est parce que vous la viviez dans votre tête au fur et à mesure que vous l'écriviez? Ouais, c'est vraiment l'idée, il est venu sans problème, quoi, ce bouquin. Il est comme ça, quoi. Parce que justement, on dit souvent qu'un premier roman, c'est l'exutoire de son autobiographie, et qu'ensuite, on écrit sur les autres. Bah, je règle beaucoup de problèmes que moi j'ai dans ce bouquin, enfin, je les règle. J'évoque beaucoup de problèmes qui me sont personnels et qui me sont chers dans ce premier bouquin. Aujourd'hui, vous êtes écrivain? J'ai écrit 2 bouquins depuis que je pense publier, oui. Donc c'est parti, donc, a priori, c'est votre voix aujourd'hui? A priori, oui. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Rien. Les Français découvrent cette jeune femme, son phrasé, sa voix. La presse et l'opinion l'ont décidé. Virginie Despentes sera l'écrivain rebelle, punk et révolté. La France tient sa Courtney Love, l'ex-femme de Kurt Cobain, le leader du Nirvana, connu pour ses coups d'éclat et ses coups de gueule. L'auteur assume parfaitement et elle en joue. Elle qui revient de si loin, voilà qu'elle découvre un nouveau monde. Tant mieux, sa voix porte encore plus haut et plus fort la génération à laquelle elle appartient. Et elle explique ce que défend son livre, notamment ce néo-féminisme généré par l'inégalité et la violence sexuelle que subissent encore et toujours les femmes. Elle enterre Simone de Beauvoir et appelle à la révolte, celle d'une sexualité agressive et assumée, celle de la désacralisation du corps, nouveau territoire de résistance. Alors, baise-moi, une profession de foi? Bah oui, forcément, c'est un monde d'hommes, je suis dedans quand même. T'as un monde d'hommes? Oui, c'est toujours. Et quel est le rôle des femmes? C'est un monde d'hommes et de profit, quoi. Donc le rôle des femmes, en gros, c'est de faire les putes. Moi, je suis dedans tout le temps, quoi. Bah, à mon avis, comment moi je le ressens, hein. C'est sûr que moi je suis vachement schématique, quoi. Donc voilà comment je le vois, quoi. Je sais que c'est vachement moins subtil. Quel est le rôle des femmes dans ce monde d'hommes? Amuser. Et puis peut-être on prendra le pouvoir quelque part, on verra plus tard et tout. Moi je veux le pouvoir maintenant, quoi. En tant que femme, et puis aussi en tant que personne qui n'est pas née dans les bons quartiers, je veux une mixité de pouvoir maintenant, sexuelle et sociale. Je voudrais un truc maintenant. Parce que, à un moment, c'est vrai que c'est un truc de terreur tout de suite, hein. C'est un truc qui est dangereux tout de suite, c'est vrai. La critique est divisée, l'accueil du livre est rude. D'un côté, on salue le souffle novateur, le style cinématographique, la naissance d'une grande auteure. Il y aura un avant et un après des pentes, un nom certain, ce qui ressemble tout de même à une consécration. En face, on se déchaîne, on dénonce le vide, la facilité, le nihilisme, on se gauze de cette rébellion à la petite semaine. « Ce n'est pas l'idée que je me fais de la littérature », déclare François Sagan à propos du livre. Trop tard. Dans le sillage d'une nouvelle génération menée par Michel Houellebecq, Christine Angot, Vincent Ravalec, Virginie Despentes s'impose comme romancière. Après avoir publié son deuxième livre avec Florent Massot, elle rejoint les éditions Grasset en 1999. Une écrivaine est née. Mais son prochain coup d'éclat, lui, arrivera un peu plus tard, au moment d'adapter Baise-moi au cinéma. Film interdit aux moins de 16 ans. C'est un peu exagéré de le classer X, voilà, parce que quand même il y a une histoire, il y a autre chose, il n'y a pas que le sexe ou la violence. C'est un film comme un autre, il y a des films beaucoup plus violents, on voit des têtes qui roulent par terre, il y a des trucs vraiment beaucoup plus violents que ça. Ça se passe hélas, malheureusement, dans la vie, peut-être pas la peine de l'afficher encore. C'est pas vraiment un film pornographique, mais je trouve qu'on a raison de l'interdire. Ce film n'a pas lieu d'être censuré, c'est pour ça que je suis venu le voir. C'est pas spécialement un film X, c'est un film extrêmement violent. Hein. Baise-moi. Film interdit aux moins de 16 ans. 17 mai 2000, Cannes, rue d'Antibes. Comme chaque année, au début du printemps, sur les bords de la Côte d'Azur, se tient le plus grand festival de cinéma au monde. Ses stars, ses paillettes et sa compétition officielle mobilisent l'attention. Mais Cannes, c'est aussi le marché du film, sa part d'ombre, cet espace décisif où peut se jouer le destin d'un long métrage, où il faut le vendre, à l'étranger notamment. Ce 17 mai 2000, donc, en soirée, on se bouscule devant la salle de projection. Un film est particulièrement attendu, l'adaptation au cinéma de Baise-moi, le roman de Virginie Despentes. Il est co-réalisé par l'écrivaine elle-même et une ancienne actrice X, Coralie Trinti. Il est produit par Philippe Godot. La promo du film est particulièrement soignée. Promesses de trash avec scènes de sexe non simulé, violence frontale, des t-shirts à l'effigie du film, un site internet qui compte plus de 400 000 connexions un mois seulement après sa mise en ligne, et ça marche. Baise-moi est acheté par une trentaine de pays à travers le monde. Mais la plupart fixent quand même une condition, le film ne doit pas être classé dans la catégorie X. Problème, car Virginie Despentes et Coralie Trinti n'ont pas lésiné. La romancière a eu l'idée d'adapter elle-même son livre lorsque Coralie Trinti lui a dit de regarder Exhibition 1999, une sorte de docu-fiction sur le cinéma pornographique réalisé par J.B. Root. Dans ce film, 10 hardeuses françaises sont interviewées. Pour Virginie Despentes, c'est une révélation. Parmi elles, il y a deux actrices, Karen Bach et Raphaëlle Anderson, qui crèvent l'écran. La romancière, future réalisatrice, a trouvé les visages de Nadine et Manu, ces deux personnages. À elle, la direction d'acteur, à Coralie Trinti, celle de l'image. Entre les deux femmes, un même goût pour la provocation, une même vision guerrière du féminisme. En témoigne cet extrait, il suit l'une des premières séquences. Manu, avec une amie, vient de se faire violer. La scène est à la limite du supportable. Manu, à l'inverse de son amie, reste impassible face à l'horreur. Et elle s'en explique. Comment t'as pu faire ça? Allez, c'est rien à côté de ce qu'ils peuvent faire. On a encore envie, non? Putain, mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Je peux dire ça parce que j'en ai rien à foutre de leurs pauvres bites de branleurs. J'en ai pris d'autres dans le ventre et que je les emmerde. C'est comme une voiture que tu gardes dans une cité, tu laisses pas des trucs de valeur à l'intérieur parce que tu peux pas empêcher qu'elle soit forcée. Hein. Ma chatte, je peux pas empêcher les connards d'y entrer, j'ai rien laissé de précieux. C'est jamais qu'un coup de queue quand on est jamais que des filles. Tu vas voir, maintenant ça va aller. Virginie Despentes réaffirme à l'écran ce qu'elle soutenait dans le roman, entrer en résistance, ne pas se laisser dicter par la violence des hommes. Le sexe dans Baise-moi n'appartient pas à l'ordre du plaisir, mais de la revanche. Tout est montré et dit dans sa vérité crue. Sur fond de techno et de rock, à fond, les scènes de sexe ne sont pas simulées. Pénétration, fellation, sexe en groupe, en gros plan. La folie meurtrière est elle aussi représentée avec force, viscères, hémoglobine, membres déchiquetés, le tout filmé en vidéo à la lumière naturelle. L'image est volontairement sale. Les deux réalisatrices mêlent le X et la série B. Elles s'inspirent des polars de Quentin Tarantino, des tournées d'Oliver Stone ou encore de Thelma et Louise de Ridley Scott, avec la même distance ironique que dans certains de ces films, comme lorsque les deux filles s'interrogent sur la fin de leur aventure. C'est là qu'on retrouve le style et la force d'écriture de Virginie Despentes. J'ai un peu réfléchi entre sauter dans le vide et brûler vive. Mais s'immoler, c'est un peu trop prétentieux. C'est pour ça, après le rencard dans les Vosges, j'y vote pour le saut sans élastique. Mais attends, c'est un miracle qu'on soit encore en circulation. Moi, j'aimerais bien finir tout ça aussi bien que ça a commencé. Tu sais, genre, tu laisses une bonne chute à la blague. Faudra me pousser pour sauter dans le vide, hein. Je crois pas que j'aurai le courage. Je sais pas, je me rends pas bien compte. T'inquiète pas, je te pousserai, moi. Dis-moi, faudra penser à laisser un mot à l'AFP aussi. Elles ont sauté sans élastique. Quel titre pas n'importe quoi, ces connards. Ouais, t'as raison, faut penser à communiquer. La cavale de ce duo de furie interroge les codes de la représentation. Virginie Despentes reprend toutes les scènes importantes de son livre et remplace l'écriture par l'image. Un seul passage n'est pas repris, celui de l'infanticide. Pour le reste, tout est là, frontal, brutal, scandale. « 23 mai 2000, Paris, 11 rue Galilée. Au Centre national du cinéma et de l'image animée, séjour de réunion. La commission de classification des films tient séance. Le panel des membres de ce comité est très large. Il rassemble des professionnels du cinéma, de l'administration, mais aussi des experts et des représentants d'associations familiales ou religieuses. Aujourd'hui, la séance est houleuse, car on y projette « Baise-moi » de Virginie Despentes et Coralie Trinity. Après plusieurs heures de délibération, le film est interdit aux moins de 16 ans, mais il n'est pas classé X et pourra donc être diffusé dans les salles françaises. À charge pour la ministre de la Culture de l'époque, Catherine Tasca, d'entériner la décision de la commission qui n'a qu'un rôle de consultant. Et elle suit son avis, mais y ajoute un avertissement. Ce film, qui enchaîne sans interruption des scènes de sexe d'une crudité appuyée et des images d'une particulière violence, peut profondément perturber certains spectateurs. La date de sortie est prévue le 28 juin dans une soixantaine de salles françaises. De son côté, la toujours très puritaine Régie des Transports ordonne la suppression du titre sur les affiches du film. On peut y lire un film de Virginie Despentes et Coralie Trinity, mais pas « Baise-moi ». C'est une première. Mais enfin, ça passe. Oui, sauf que le 22 juin 2000, jour de la décision de Catherine Tasca, une plainte arrive sur le bureau du Conseil d'État, l'institution en charge de conseiller le gouvernement ou d'arbitrer certains conflits. Cette plainte émane d'une petite association du Vaucluse, baptisée Promouvoir et présidée par André Bonnet. Elle demande au Conseil d'État d'annuler la décision du ministre d'accorder un visa au film « Baise-moi » qu'il considère comme pornographique et devant être classé X. André Bonnet s'en explique devant les caméras de France 3. Il y a certains actes de barbarie qui peuvent marquer durablement les esprits, eh bien ces actes de barbarie, il faut les réserver à des réseaux spécialisés. Et il n'y a pas de raison que dans une salle grand public, on puisse voir de tels films à côté de Pocahontas, de Fantasia 2000 ou de L'Arme Fatale. C'est vrai que je suis très heureux d'avoir pu mettre un coup d'arrêt à cette volonté de la part de certains lobbies liés au Minitel Rose, à l'industrie cinématographique du porno, de faire sauter la protection qui aujourd'hui bénéficie à la jeunesse. Mais en même temps, je suis très affecté de voir que des décisions de la juridiction administrative suprême ne sont pas suivies des faits et que les autorités publiques ne s'en soucient pas. Père de 8 enfants, juriste à la cour d'appel de Lyon, André Bonnet n'en est pas à son coup d'essai. 2 mois auparavant, il avait attaqué la Fnac d'Avignon, coupable à ses yeux d'avoir mis en vente des bandes dessinées qu'il jugeait pornographiques. Leader départemental du mouvement national républicain de Bruno Maigret, André Bonnet et son association défendent les valeurs chrétiennes de la France et souhaitent protéger les enfants des images pornographiques. Tous les regards se tournent alors vers le Conseil d'État. L'institution rend son avis le 30 juin 2000, 2 jours après la sortie du film sur les écrans. Et contre toute attente, elle annule la décision de la commission et de la ministre. Le visa d'exploitation du film est bien retiré. Il est donc classé X et doit être immédiatement retiré des écrans. Pour le producteur et les réalisatrices du film, c'est une catastrophe. Le classement X signifie la mort économique du film. Et c'est bien la décision du Conseil d'État qui fait éclater l'affaire. Catherine Briard, réalisatrice notamment du film Romance, qui a fait scandale pour les mêmes raisons l'année précédente, monte au créneau. Elle lance une pétition soutenue par la SACD. Tous dénoncent la censure, l'atteinte à la liberté d'expression. Une manifestation est organisée devant le cinéma MK2 Odéon, et ce n'est pas hasard. Les MK2 sont les dernières salles à diffuser le film sous la houlette de leur patron libéral et alternatif Marine Karmitz. Contre la décision de justice, et alors qu'il encourt des sanctions pénales et financières, ce dernier décide de projeter « Baise-moi » malgré tout, et il s'en explique devant les caméras de France 3. Il y a des moments où il faut se mettre dans l'illégalité, parce que on a des choses à défendre. En l'occurrence, j'ai défendu toute ma vie la liberté d'expression, et ce n'est pas maintenant que je vais arrêter. Mais Marine Karmitz s'est quand même prémunie. Il interdit le film aux moins de 18 ans, interdiction qui n'existe pas légalement dans le circuit traditionnel. Alors la polémique s'invite dans les journaux. Il faut dire que le film n'a pas été très bien accueilli par la critique spécialisée. Baise-moi n'a pas convaincu grand monde d'un point de vue cinéma. Faiblesse de la mise en scène, montage brouillon, absence d'idées de cinéma pour certains. Les autres soulignent l'intérêt des thèmes, du geste et aussi de la découverte de ces deux actrices X, confrontées pour la première fois au cinéma traditionnel. Au sein des rédactions, on s'affronte. Certains s'insurgent contre la censure du film, de son nixification, comme on dit. Pour eux, il s'agit d'un film d'auteur. Il y a une intention, il y a une critique, une transgression des codes esthétiques du X. Face à l'étendard de la liberté d'expression, d'autres ripostent. Ils brandissent la liberté de dire non. Comme le titre du dossier spécial du Nouvel Obs, « Liberté de dire non à cette mode de la violence et du sexe à tout va ». Le débat est enflammé, pas un jour sans un article ou une tribune à propos du film « Baise-moi ». Catherine Tasca, la ministre de la Culture, désavouée par le Conseil d'État, décide alors de réagir. Elle promet de mettre en place une commission pour revoir la législation et n'oublie pas de politiser l'affaire à l'adresse d'André Bonnet et de l'association Promouvoir. Ce qui fait problème, ça n'est pas, ou en tout cas pas principalement le caractère pornographique qui aboutit au classement X, c'est le caractère objectivement violent du film. Donc j'y réfléchis, pas sous la pression comme ça. C'est une situation politique. On voit, je dirais, redresser la tête un certain nombre d'associations très organisées, mais nous savons bien que le débat de fond, il est ailleurs. D'ailleurs, on voit ressurgir les tentations d'une censure directe par l'État. Bon, je crois qu'on ne règle rien par la censure. Ceci dit, l'État a un devoir de protection des mineurs. Et comme nous avons séparé le repère légal de la majorité à 18 ans et la réglementation sur les visas, nous sommes dans un trou réglementaire. Je crois qu'il faut y réfléchir. Chose promise, chose due. Catherine Tasca s'attelle à la réforme de la loi sur la pornographie dès le 5 juillet 2000. Un an plus tard, le 12 juin 2001, décret publié. Il modifie la classification des œuvres cinématographiques traditionnelles en établissant notamment une interdiction aux moins de 18 ans, ce qui rejoint finalement l'idée de Karmitz. En tout cas, Baise-moi fait jurisprudence. Rien que pour cela, ce film a été un événement. Quelques semaines plus tard, il retrouve le chemin des salles de cinéma. Il devient l'un des films français qui marche le mieux à l'étranger cette année-là, mais oui. Baise-moi aura permis de faire évoluer la loi, mais si peu finalement. L'interdiction aux moins de 18 ans ne faisant que repousser le problème. Le film Love l'a récemment montré. Non, la vraie question, le vrai débat, celui de la pornographie, des modes de diffusion du genre à l'heure d'Internet et des accès illimités, n'aura pas été abordé. Reste que cette affaire révèle surtout la naissance d'une artiste iconoclaste qui ne cesse depuis 20 ans de bousculer ses lecteurs, le verbe au point et la phrase haute, avec un cri de ralliement toujours le même, comme le disait un critique à propos de Baise. Moi, faites l'amour, c'est ça la guerre. Young bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming. If I blow you with a bang. Ah, suki suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen. Take it, take it. Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls. My chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life, but I'm broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. That's die young, bad girls do it well. Chest when I'm banging on the radio. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't get France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la polémique autour du film « Baise-moi » de Virginie Despentes, sorti en 1994. Notre invité, c'est Sylvain Bourmeau. Bonjour Sylvain. Bonjour Fabrice. Journaliste, producteur à France Culture, spécialiste de littérature française contemporaine. Sylvain, nous interromprons pendant 5 minutes, ou d'ailleurs vous pourrez participer à cet entretien. Nous serons en duplex téléphonique tout à l'heure avec Catherine Breillat, réalisatrice, qui elle aussi a joué un rôle dans cette histoire. Sylvain, est-ce que vous pouvez puiser dans vos souvenirs et me dire ce que vous avez ressenti d'abord quand vous avez lu le livre de Virginie Despentes et quand vous avez vu le film? Oui, c'est encore extrêmement précis, cette lecture. Vraiment comme rarement. J'aime beaucoup lire des premiers romans. La plupart du temps, on s'en souvient pas. Mais parfois, une fois par an, une fois tous les 2 ans, il y a un premier roman qui marque. Et Baise-moi fait vraiment partie de ces livres-là. Et il occupe même dans cette catégorie-là une place différente, parce que c'est pas tous les jours qu'on lit un livre dont on pourrait spontanément, si c'était de l'art contemporain, le classer dans la catégorie, vous savez, d'art brut ou d'outsider art. Et c'est l'intuition que j'avais eue et qui s'est confirmée, en fait, après avoir rencontré l'auteur. Je crois qu'elle-même, encore aujourd'hui, en 2015, ne sait pas comment elle sait comment elle a écrit ce livre, c'est un livre qu'elle a écrit avant d'être écrivain. Je veux dire, après, il lui a fallu des années à Virginie Despentes pour devenir écrivain. Ce livre-là, il a précédé. Comme certaines personnes le font, comme une thérapie. Je ne dis pas forcément je suis écrivain, j'écris, donc j'essaie de régler un problème. Oui, elle n'allait pas bien, elle était rentrée chez ses parents à Nancy, elle s'est mise à écrire. En fait, elle n'avait pas pour objectif de devenir célèbre avec ce livre, et même pas de le publier, en fait. Elle était déjà très contente une fois que le livre avait été lu par des amis autour d'elle, et ce qui est arrivé par la suite. D'abord, est arrivé lentement, il faut quand même le dire, parce que ce livre, Florent Massot l'a eu entre les mains, il a décidé de le publier, mais son succès n'a pas été immédiat. C'est un livre qui a mis un an et demi avant de véritablement trouver une véritable réception médiatique, par exemple. Alors, effectivement, on va voir qu'il y a eu un enchaînement d'effets. Aujourd'hui, on dirait le buzz autour de quelque chose, bien que quelquefois ce soit autour du vide. C'est pas le cas là. Quel était votre jugement à la fois sur ce qui était raconté et puis sur le style? Parce que l'écriture, c'est aussi l'attachement à un livre, c'est l'attachement à une écriture aussi. Moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est d'abord et avant tout l'écriture. C'est cette capacité à faire passer de l'oralité dans l'écrit, ce qui n'est pas le fort de la littérature française en règle générale. Il y a quelques contre-exemples dans un registre totalement différent, je pense à Pierre Guyotat. Mais Virginie Despentes avait cette oralité qu'on retrouve en général plutôt chez les auteurs américains. Et elle a réussi à faire de la langue française quelque chose d'incroyablement vivant. Alors qu'en général, enfin, on a tous discours en France, on a des taxidermistes de la langue, enfin, on a même une académie pour ça. Bon, Virginie, c'est tout le contraire de ça. Et ça, c'était d'abord ça le premier choc. Ensuite, le récit, l'histoire, peu importe. On l'a déjà lu 100 fois, ça n'a aucune espèce d'originalité. Là n'est pas la question. Ce qui était intéressant, c'est ce mélange entre la langue et un certain nombre de thématiques, ou plutôt de manière d'aborder ces thématiques. On l'a entendu à travers quelques propos d'elle dans l'émission, là, de revendications politiques au sens le plus noble du terme, et notamment féminisme. Mais d'un féminisme très très différent de celui des années 70, d'un féminisme qui émergeait à l'époque, d'ailleurs, chez d'autres auteurs françaises, je pense dans un registre différent à Marie Darrieussecq, qui, avec Truisme, écrivait aussi un livre vraiment qui marquait cette époque d'un rapport au corps. D'ailleurs, quand Baise-moi a paru, je travaillais aux Inoccupables à l'époque, on a eu l'idée de confier le compte-rendu du livre à une autre romancière, qui elle aussi peut être rangée dans cette catégorie apparue à cette époque-là, c'est Laurette Nobécourt. Et Laurette Nobécourt avait fait un compte-rendu très bref, d'un feuillet, très sévère pour Baise-moi. Et d'ailleurs, ce compte-rendu avait eu pour effet de me détourner de ce roman que je n'ai pas lu tout de suite. Et je l'ai lu peut-être quelques 6 mois après sa sortie, et je m'en suis voulu, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Et j'ai rattrapé les choses en prenant rendez-vous avec Virginie Despentes et en passant 5 heures dans le sous-sol des Inoccupables, je crois... Honnêtement, je pense que c'est le souvenir d'entretien le plus extraordinaire que j'ai jamais fait dans ma carrière de journaliste. Parce que vous avez reconnu dans la femme, l'être vivant qui était devant vous, les lettres de cette femme-là, son écriture, il y avait... Mais parce que j'avais quelqu'un qui n'avait jamais jusque-là pris le temps long d'un entretien avec un journaliste, c'est la première fois qu'elle le faisait, et qui était d'une honnêteté, d'une sincérité totale. Et voilà, je lui ai fait raconter sa vie, tout simplement. Et je garde vraiment un souvenir incroyable de cet entretien. Et je l'ai relu pour l'émission-là, pour voir ce qu'elle disait de son livre de Baise-moi. Et le film, évidemment, n'était pas encore fait. C'était déjà un projet. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on trouve dans les propos de Virginie Despentes de cette époque, tout début 1996, je crois que l'entretien a été fait fin 95, on trouve déjà les thématiques qui sont au cœur de Vernon Subutex, la trilogie qu'elle est en train d'écrire et dont elle a publié les 2 premiers volumes cette année. Alors, donc les problématiques propres à Virginie Despentes, on l'a dit, ce féminisme offensif, ce caractère résistant, donc il est lié aussi à son histoire personnelle, et notamment au fait qu'elle ait été violée elle-même à 17 ans. Plus tard dans King Kong Theory, elle reviendra sur cet épisode au cours d'une interview. On l'écoute, on se retrouve après. La réaction idéale vraiment pour moi, c'est celle que moi j'aurais eue si j'avais 15 ans et que j'avais vu le film. Ça m'aurait fait vraiment du bien. Donc pour moi, la réaction idéale, c'est celle d'une adolescente à qui ça peut éviter de se sentir complètement isolée et monstrueuse. Et ça peut lui donner des forces, notamment le discours sur le viol. Moi, je sais que c'est un discours qui m'a vachement manqué adolescente. Je pense qu'il est important d'avoir un discours un peu guerrier sur le viol. C'est-à-dire, lui, tu t'es fait violer, et ben non, t'es pas morte, et ben ce que tu vas faire, c'est te relever, t'en remettre et continuer, et non, t'es pas une pauvre petite victime toute défoncée, et t'as rien demandé, tu les emmerdes. Enfin, s'il y avait que ce discours, ce serait un problème, mais il n'y a pas ce discours du tout. Et ça, moi, c'est un discours vraiment que je trouve manquant, quoi. Mais c'est intéressant, c'est pas forcément une thérapie pour elle-même, c'est pour les autres. Ce qui est une vraie mission d'écrivain aussi. Oui, parce qu'il y a cette dimension politique et sociale. D'ailleurs, dans ces années où elle était disquaire, où elle évoluait dans ce milieu punk français des années 80-90, elle avait aussi un compagnonnage politique. Et en même temps, elle a toujours trouvé ça un peu pauvre comme réflexion. Parce que King Kong Theory est un livre d'une très très grande subtilité. C'est un essai extraordinaire. Avec Baise-moi, c'est ce qu'elle a écrit de plus fort, et probablement avec Vernon Subutex maintenant. Mais je dirais, il lui a fallu, après Baise-moi, 3-4 livres pour à nouveau atteindre ce niveau-là, cette fois-ci en étant consciente de ce qu'elle faisait. Donc la Virginie Despentes d'aujourd'hui, ou même celle de King Kong Theory, est très différente de celle de Baise-moi, parce qu'elle est réflexive, elle sait ce qu'elle fait beaucoup plus précisément. Il n'y a pas ce côté brut qui était désarmant au moment de Baise-moi, et qui n'était plus là déjà au moment du film, parce qu'un film, c'est lourd, c'est compliqué à monter, on ne travaille pas tout seul, c'est tout le contraire de l'écriture d'un premier roman, et je pense qu'elle s'est cassé quelques dents en essayant à tout prix d'en faire un film. Je sais bien pourquoi elle faisait ça. Et elle faisait ça d'ailleurs, elle le disait notamment aussi pour des histoires d'argent, parce que l'argent, oui, c'est extrêmement important dans tout ça. En même temps, s'il y a une oralité puissante dans l'écriture, elle se retrouve au cinéma. Les dialogues sont formidables. Bon. Alors, vous vous souvenez du rôle de Catherine Breillat dans cette affaire, qui a connu aussi ce genre de problème. Je crois qu'il a connu la censure pour un film tourné en 75, qui s'appelait Une vraie jeune fille. Et puis, le film romance avec Rocco Siffredi. Bonjour Catherine Breillat, vous m'entendez bien ? Bonjour, mais vous savez, c'est une idée fausse. Je n'ai jamais, jamais, jamais eu de problème avec la censure. Bon, pourquoi cette idée tourne alors ? Eh bien, cette idée tourne parce qu'il y a beaucoup d'idées fausses sur moi. Moi, je sais parler avec la censure. C'est quoi savoir parler avec la censure ? Comment ? Eh bien, vous savez, la censure, il faut les obliger à dire pourquoi ils censurent. À ce moment-là, on peut dialoguer et on peut leur expliquer que ça ne doit pas être censuré. Même Anatomie de l'enfer n'a pas été censurée. c'est interdit au moins de 16 ans sans avertissement. Alors, concernant, justement, le film de Virginie Despentes, vous étiez monté au créneau sur ce thème-là. Là aussi, je vous demandais de puiser dans vos souvenirs. Oui, donc, on est en 94. Mais je suis monté au créneau tout de suite, c'est pas avec la SACD. Mais quand j'ai vu d'abord une loi rétroactive, le film était sorti, il avait son visa. Bon, moi, je connais quand même bien l'économie du cinéma. Une sortie, ça coûte très cher. On ne l'a pas interdit avant qu'il sorte. Et qui a le pouvoir de faire ça? Une association minable, malgré tout. Moi, je l'appelais le SA, ce monsieur-là, bonnet de nuit, qui ne représente quand même très peu de gens et des gens qu'on a, dont on n'a pas envie de penser qu'ils sont représentatifs, même des enfants et des adolescents. Moi, je suis pour la censure, il faut encore le dire, pour protéger les adolescents et les enfants. Je suis pour. Je ne me suis jamais plainte qu'il y ait, qu'on soit averti. C'est comme la quête du Graal. À quel âge on est capable et on peut voir quelque chose. Mais l'interdiction au moins de 18 ans à l'époque, ça correspondait à l'interdiction tout court. Les films étaient X, et il n'y avait plus de cinéma pour passer des films X. Donc interdit au moins de 18 ans, comme le droit de vote d'ailleurs qui est interdit au moins de 18 ans, ça voulait dire qu'à partir de 18 ans, message à donner aux enfants, on est des cochons. Vous trouvez que moi j'ai envie d'un message pareil déjà pour les enfants? C'est un message, mais scandaleux, il ne faut pas réduire l'homme à ça quand même. Alors, la censure est une chose absolument scandaleuse, la manière dont elle s'est faite institutionnellement scandaleuse, enfin tout était en fait horrible. Et vous voyez, j'ai écouté là le début du film, mais la scène est magnifique, hein, c'est super bien joué, les acteurs sont très très bons. Alors après, bon, c'est imparfait. Quel premier film est parfait? Moi, le film, j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'affection pour lui, même s'il ne me ressemble absolument pas. Et que ça m'a plutôt porté tort. Parce que ça voulait dire... l'AFP parlait du film de Virginie en disant que c'était moi qui étais l'auteur. Ça, par exemple, c'est évidemment qu'on n'a strictement pas les mêmes spectateurs. Mais, encore une fois, j'aime le film. Mais ne l'aurais-je pas aimé, c'est la même chose, c'est un principe. D'ailleurs, je me suis, vous savez, moi je suis très Don Quichotte, alors je me suis précipité sur ma machine à écrire. J'ai écrit un texte de pétition, je l'ai envoyé, je me suis mise en relation avec Tony Marshall, avec Pascal Ferrand, avec un certain nombre de metteurs en scène, comme ça. Et pour faire cette pétition, et j'ai appelé Olivier Séguret à Libération, parce que ce que je reproche à la presse française, c'est qu'ils sont là les bras croisés en disant « Ah, le film Baisse-moi a été censuré », comme si c'était bien fait pour lui. Ah, ils ont bien fait de le censurer. Mais la presse a un devoir de défendre. Elle a un devoir de s'ériger contre la censure. Catherine Bria... La liberté de la presse, c'est aussi la liberté du cinéma. Bien sûr. Il faut s'arc-mouter contre ça. Alors j'ai fait cette pétition à l'époque, il y avait des fax qui étaient... qui est paru donc avec ces quelques signatures dans Libération. J'avais quand même mis, parce que beaucoup des gens qui ont signé étaient tout à fait contre le film de Virginie, mais j'avais mis comme pour la religieuse de Rivette. C'est pas une question de si on aime le film ou si on ne l'aime pas. C'est une question que tout le monde a le droit de voir ce film en payant, en étant averti que quand même c'est un film violent, qu'il y a des choses sexuelles. On ne vous l'inflige pas, il faut payer pour aller le voir. On ne doit pas infliger à tout le monde d'avoir l'interdiction d'aller le voir. Alors, Catherine Bria, monsieur qui, lui, va voir visiblement tous les films, tous les spectacles qui pourraient nuire et déranger l'esprit de ses concitoyens. Mais pourquoi il n'est pas en hôpital psychiatrique, monsieur? Ça dérange l'esprit des gens, vu qu'il passe son temps à ça. Catherine Bria, mais je vous écoute attentivement, je suis tout à fait passionné par ce que vous dites, mais je voudrais vous poser une question. Non, d'ailleurs, Sylvain Bourmeau, qui est à mes côtés, que vous connaissez précisément, peut-être, vous voudrez vous poser une question également. Allez-y, Sylvain. Non, mais je vous entendais, Catherine, parler de la presse, et bon, je pense qu'il faut faire un petit peu attention quand même, parce que c'est vrai qu'il y a eu des choses très surprenantes dans la presse, et j'étais content d'entendre tout à l'heure rappeler que le Nouvel Observateur, en particulier, avait pris position contre le film de Virginie Despentes, qui est un journal... Non, pour la liberté de l'interdire. Moi, je sais la phrase qui me concernait, que j'étais très naïve, et que parfois, il fallait reconnaître que même des associations comme Pro-Pouvoir et donc le FN avaient raison. Oui, mais enfin, en tous les cas, on voyait donc une presse... une presse cataloguée plutôt comme progressiste, prendre des positions pour le moins surprenantes. 2 ans plus tard, Libération faisait une une absolument désastreuse en profitant du fait que son service cinéma était parti à Cannes et pour titrer avec le service société « Ado porno bobo ». Je me rappelle qu'à l'époque, aux Incorruptibles, on avait été extraordinairement choqués que notre journal, celui avec lequel on avait grandi, Libération, puisse prendre des positions aussi réactionnaires. Mais vous savez, sur la pétition, je vous interromps parce que je vais vous dire pourquoi Libération. Autant le service cinéma, avec Olivier Séguré en tête, était quand même, a pris cette pétition qui a été immédiatement signée par Godard, par Langemann, par beaucoup, beaucoup de gens. Autant après, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui signait. Et il a été étonné parce que le service politique était contre le soutien à la pétition. Donc, CQFD. CQFD. Mais dans le même temps, les Inrecuptibles publiaient une tribune d'un conseiller d'État, puisque c'est le conseil d'État qui avait publié ça, mais qui, à titre personnel, qui est aussi un écrivain, François Sureau, qui défendait Virginie Despentes. Et moi, j'étais allé chercher François Sureau parce que je trouvais que ça avait une certaine portée de demander à un conseiller d'État de défendre la liberté d'expression. Donc, toute la presse n'a pas, heureusement, eu... Non, je vous dis pas toute la presse. Mais quand même, bon, je crois que même dans le monde, j'avais lu, elle a été censurée, mais on reste pas les bras croisés. On est bien d'accord. Catherine Briard. Vous savez, moi, en Australie, romance, il allait être censuré. Il y a un journal, un grand, grand quotidien, qui a payé un sondage national pour demander aux Australiens s'ils voulaient que le film soit interdit ou s'ils voulaient le voir par eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils voulaient le voir par eux-mêmes. Le film a pu sortir. Et ça, je trouve que c'est quand même... La presse qui fait ça peut en être fière. Pas la presse qui dit qu'il a été interdit. Catherine Briard, s'il vous plaît. Je vais juste vous remercier. Vous remercier pour vos propos et surtout l'enthousiasme avec lequel vous avez tenu ces propos et pour votre contribution à cette émission. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je suis désolée, je suis quelqu'un de passionné. Alors je laisse personne parler. Excusez-moi. Mais je vous en prie. Vous n'avez pas été censuré. Hein, vous l'avez vu. Merci. Au revoir. À bientôt. Alors, Sylvain Bourbon, déjà un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre de la part de Catherine Briard. Enfin, vous avez débattu avec elle, mais sa position est intéressante, elle est ferme. Non, mais elle a raison de rappeler que c'est un combat qui intéresse l'espace public, qui intéresse tous ceux qui y prennent part, et que la presse joue un rôle important, et que ce sont des questions de principe. C'est-à-dire que la question de savoir si le film est bon ou mauvais n'est pas du tout la même de celle de savoir s'il doit être interdit ou pas. Il faut savoir répondre à ces deux questions de manière distincte, parce que sinon on mélange tout. Donc ça, c'est extraordinairement important. Ce que j'aurais envie d'ajouter aujourd'hui, c'est que après la polémique Gaspard Noé, donc il faut quand même rappeler que dans le film Baise-moi, il y a une citation de Gaspard Noé, parce que sur un écran, à un moment, on voit un film de Gaspard Noé, et que Virginie Despentes est une grande spectatrice du travail de Gaspard Noé. Elle a dû être affligée par ce qui s'est passé cet été, d'autant qu'elle fait cette remarque récemment qu'il y a quand même quelque chose de bizarre, que ce qui se choque le plus, ce n'est pas la pornographie, puisque la pornographie, elle est partout sur Internet et que personne ne peut la contrôler ou véritablement. C'est en revanche les artistes qui, dans la catégorie de l'art, essayent de représenter la sexualité sans se contraindre. Sans se poser de questions, mais qui ne font pas des œuvres en elles-mêmes pornographiques au sens juridique, technique du terme. C'est-à-dire qu'on est dans cette espèce de grande hypocrisie où d'un côté, à tel point d'ailleurs, faisait-elle remarquer dans un entretien que j'ai fait avec elle pour Gradia au mois de juin, que des artistes en viennent à se censurer, y compris elles-mêmes, par rapport au sexe. Et c'est elle disait, la seule qui n'ait pas fait ça ces derniers temps, qui n'ait pas renoncé, c'est Christine Angot. Ce sera le mot de la fin, Sylvain Bromo. Merci beaucoup, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la polémique autour du film Baise-moi, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous reviendrons sur la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines en mars 2014.